Dossier 4. Leçon 3. Indiquez un moment spécifique, une régularité. Activité 9. 1. Le matin, moi, j'allume mon ordinateur avant le petit déjeuner. 2. Hier matin, j'ai écouté les informations à la radio. 3. Chaque matin, je consulte mes mails avant de partir. 4. Moi, tous les jours, je joue en ligne. 5. Ce matin, j'ai téléphoné à mes parents. 6. Hier soir, j'ai fait les courses avant de rentrer. 7. Le soir, moi, je regarde des vidéos. 8. Chaque soir, je prépare le repas pour toute la famille. 9. Moi, tous les soirs, je fais mes devoirs de français. 10. Hier soir, j'ai regardé la télé jusqu'à minuit.